bien sûr. Je le savais. Eureka. À la fin de l'année 2020, la firme Boston Dynamics, spécialisée dans la robotique, a publié une vidéo vue depuis des millions de fois. On y voit un robot humanoïde twisté en rythme avec un robot mi-chien mi-autruche et une troisième machine. Leurs pas de danse, leur souplesse et leur chorégraphie sont si stupéfiantes que l'on a cru à un canular. Pourtant, la vidéo de Boston Dynamics n'est pas tronquée. C'est que les robots ont d'abord frappé nos imaginaires avant d'arriver dans nos vies et que leur histoire est tout juste en train de s'écrire. Trop robot pour être vrai, c'est notre invention du jour, une invention mécatronique. Bienvenue dans Eureka. Laurence De Villiers, bonjour. Allô, Laurence De Villiers, qui est censée être avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous et vous êtes professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS et l'autrice du livre Les robots émotionnels en 2020 à l'Observatoire. Rodolphe Gélin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche et expert en robotique et en intelligence artificielle et l'auteur de l'ouvrage L'intelligence artificielle avec ou contre nous à la documentation française. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture et à toute heure en podcast. Avant de parler des premiers balbutiements de la robotique, des premiers humanoïdes et des progrès en cours, écoutons d'abord comment la jeunesse d'hier se représentait les robots de notre époque. Comment seront les métiers à l'an 2000 ? Il suffira d'appuyer sur un bouton, puis tout se fera mécaniquement. Et je crois pas quand même qu'il y aurait des robots, mais pourquoi pas ? Si ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis un peu, il y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là. Ils seraient obligés de traîner dans les rues et puis ils mourraient pour ainsi dire de faim. Mais non, parce qu'il faudra bien des hommes pour faire marcher les robots. Vous, les robots, enfin, certains l'imaginent, des bonhommes qui marchent comme ça, là. Moi, je crois que c'est des machines qui, par exemple, comme une machine à laver le linge, comme une machine à laver la vaisselle, comme, je sais pas, moi. Eh ben, moi, je dis que c'est ça, un robot, parce que ça remplace ce que fait l'homme. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Les robots feraient la guerre. Et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Une archive de 1969 où l'on entend que l'imaginaire des robots est très présent. Les robots, tout le monde en parle depuis longtemps, mais on n'en voit le bout que maintenant, Rodolphe Gélin. En effet, on en parle depuis très longtemps, parce que déjà ça a existé dans les livres et dans les films bien avant que ça existe en vrai. Et puis après, ça s'est mis à exister en vrai. Et c'est un long, long chemin pour arriver à ce que la réalité rattrape la fiction. Et on est tous, les chercheurs, à courir derrière ce qu'ont vendu Asimov et tous les autres auteurs, parce qu'ils sont toujours très, très en avance sur nous. Laurence De Villiers, pour vous, c'est aujourd'hui que la robotique s'invente ? Non, non, comme l'a dit Rodolphe, on a inventé la robotique dans les années 60-70. Bon, en 1920, déjà, on crée ce mot de robot dans une pièce de théâtre de science-fiction par Karel Čapek, qui écrit ce mot, et robot veut dire esclave, en russe de rabota, qui signifie travailler. Et donc, cette machine est destinée à automatiser certaines tâches et à nous aider. Alors, effectivement, les robots réellement sont dans nos vies depuis longtemps. Si on parle des robots qui sont dans les entreprises, dans les usines, pour par exemple peindre des voitures, mais ce n'étaient pas des robots capables d'être autonomes. Ce sont des machines automatiques. Donc il y a là à définir vraiment ce que c'est qu'un robot, capable de percevoir dans son environnement, de décider quelque chose et d'avoir une action. Donc on parle d'autonomie de ces machines. Alors vous évoquez, sont assez récentes. Vous évoquez en effet la pièce de Karel Čapek. Écoutons un extrait. Le vieux Rossum, qui était un de ces savants comme on n'en fait plus, s'est mis dans la tête de fabriquer un homme dans ses moindres détails. Il a mis 10 ans à composer une espèce de monstre humain. Sur ce, le jeune Rossum est arrivé. Quand il a vu le travail de son oncle, il s'est écrié « C'est absurde, mettre 10 ans à fabriquer un homme n'est pas rentable. Ou bien on tourne plus vite que la nature, ou alors on ferme boutique. » Le jeune Rossum a créé l'ouvrier le plus rentable. Et pour ce faire, il a été obligé de le simplifier. Il a rejeté tout ce qui n'était pas proprement fonctionnel. ce qui était inutile au travail. Et en fait, il a rejeté ce qui est humain et il a fabriqué le robot. Chère mademoiselle, les robots ne sont pas des hommes. Mécaniquement, ils sont bien plus au point que nous. Ils ont une intelligence supérieure. Et c'est tout ce qu'ils ont. De ce point de vue-là, la création de Rossum est bien supérieure à celle de la nature. On dit que c'est Dieu qui créa l'homme. Peut-être. Mais à cette époque, Dieu n'avait aucune notion de la technique moderne. Il a fait quelques erreurs. Voilà une archive de la pièce de théâtre Rossum Universal Robot de l'écrivain tchèque Karel Čapek en 1920. Alors le mot robota hein, en tchèque, robot, en tout cas tout de suite il y a l'idée que le robot, ça fait le sale boulot. Oui c'est ça, bah voilà, robota ça veut dire comme le disait Laurence, esclave, travail. Donc c'est exactement pour ça qu'on l'a créé, pour soulager l'homme de tâches qui sont répétitives, qui sont difficiles, qui sont dangereuses. Et aujourd'hui personne ne s'insure sur le fait que les robots aillent dans les centrales nucléaires pour faire le sale boulot. À y faire la guerre éventuellement, là, comme disait un des enfants en 69. Est-ce que c'est mieux que ce soit un robot qui se fasse casser qu'un être humain? Probablement. Est-ce que c'est mieux que ce soit un robot qu'un être humain qui tue un autre être humain? J'en sais rien. Mais voilà, c'est vraiment un bon exemple de sale boulot. Et puis aller sur Mars aussi, pour l'instant, on est content que ce soit des robots qui y aillent ou sur des comètes. Enfin, je pense que des gens seraient très contents d'y aller, mais pratiquement, c'est quand même plus facile d'envoyer des machines pour l'instant. Alors, est-ce qu'on peut un peu définir qu'est-ce que c'est un robot, Rodef Gélin? Alors moi j'ai travaillé à l'ISO, le standard international l'organisation du standard international sur la définition d'un robot. Je faisais partie, je dirigeais le vocabulaire, le groupe de travail sur le vocabulaire. Et ben voilà, c'était je pense il y a 15 ans et on continue toujours à se disputer pour savoir ce que c'est qu'un robot. Il y a débat. Voilà. Bon alors on est à peu près tous d'accord sur le principe, comme l'a dit Laurent, c'est cette boucle entre la perception, donc c'est un objet qui regarde l'environnement. Qui prend des décisions à partir de ça et qui va faire une action, qui va bouger physiquement dans le monde. Donc voilà, en ce sens, les robots qu'on parle, des moteurs de recherche, sont pas vraiment des robots parce qu'ils sont purement numériques et donc ils font pas d'action sur le monde. Et puis après, en revanche, sur la machine à laver là, qu'évoquait un des enfants, c'est une très bonne question parce qu'en effet, il y a de la perception dans une machine à laver. Il y a une décision. Il faut continuer à tourner, il faut continuer à chauffer. Et puis ça bouge à l'intérieur. Donc on pourrait presque dire que c'est un robot. Alors là, on a trouvé des trucs. On dit non, il faut que ça bouge à l'extérieur, il faut que ça se voit le mouvement, bref. Mais vous voyez, c'est vraiment très très difficile. Et un des pères, celui qu'on appelle le père de la robotique, qui s'appelait Joseph Engelbert, qui a créé les premiers robots Engelberger, qui faisait les premiers robots dans les usines, il disait, je suis incapable de vous dire ce que c'est qu'un robot. En revanche, quand j'en vois un, je le reconnais. Et voilà, donc c'est en effet très difficile de définir, mais vous voyez, il faut que ça bouge, il faut que ça perçoive l'environnement, il faut que ça adapte son action à ce que ça perçoit. Laurence de Villers, sur la définition du robot. Oui, ben je crois qu'on peut rajouter à ces trois dimensions, en fait, la dimension d'apprentissage, hein, c'est-à-dire que les robots jusqu'à présent étaient juste avec des capacités qu'on leur donnait, qu'un ingénieur ou une équipe d'ingénieurs avait construit et mettait dans le robot, mais à l'heure actuelle, nous sommes sur des robots qui sont capables d'apprendre dans l'interaction avec les humains, en les imitant ou en association, en coopération avec les humains. Et puis, ils peuvent aussi avoir des capacités dites affectives, c'est-à-dire qu'on va leur donner quelques capacités de détecter ou d'interpréter en tout cas des émotions des humains, très très peu, parce que c'est des capacités extrêmement complexes à mettre en œuvre, mais aussi à générer peut-être des sons affectifs et d'avoir un langage très, émotionnel ou empathique, qui embarque l'humain dans une projection en fait de capacités humaines sur cette machine. Le robot, c'est aussi une existence physique, Laurence de Villers? Oui, c'est vrai que si je compare un même système de dialogue, puisque je travaille plutôt sur cet aspect de langage que l'on donne aux machines, si je fais le même système de dialogue que j'embarque sur un Google Home, vous voyez, ces enceintes qui n'ont ni bras ni tête, ou que je mets sur un robot Pepper, que connaît bien Rodolphe, ou je mets sur un robot vraiment très proche d'un humain, comme ce que font des collègues japonais, donc le professeur Ishiguro par exemple, qui fait son clone en robot, son géminoïde, son jumeau d'humain robotique, eh bien les personnes vont penser que celui qui ressemble le plus à l'humain est plus intelligent, avec la même capacité dans chacun. Rodolphe Gélin, est-ce que le robot c'est aussi cet aspect décisionnaire, un robot qui prend des décisions? Oui, c'est un peu ce qui le différencie de l'automate, en fait. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir entre les deux, sachant que c'est pas toujours aussi simple. Mais on peut dire ça, en effet. Il y a certaines machines qui font du travail très très répétitif, des imprimantes, donc ça, c'est pas vraiment un robot dans le sens où il n'y a pas un environnement qui varie et du coup une action qui va varier en dynamique en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. Donc ça, cette partie prise de décision, c'est vraiment ça qui va spécifier, définir, caractériser un robot par rapport à un automate. Les automates, par exemple, c'est des engins qui étaient formidables et qui jouaient du piano, mais là, il y avait une partition et le système ne faisait que lire la partition. Et alors, c'est déjà pas mal, hein, c'est d'un point de vue mécanique, c'était incroyable, mais c'était sous forme de fiches perforées et le système ne faisait qu'exécuter quelque chose qui était écrit à l'avance. Donc, pas du tout d'adaptation et c'est ça qui le distingue d'un robot. Mais voilà, les contours sont quand même extrêmement flous parce qu'il y a des robots qui, par exemple les exosquelettes qu'on fait porter aux personnes lourdement handicapées, bah ces exosquelettes prennent absolument aucune décision, c'est bien la personne qui est dedans qui décide ce qu'il faut faire, mais néanmoins c'est difficile de pas dire qu'un exosquelette c'est pas un robot parce qu'il y a toute la technologie, la mécanique, l'électronique de la robotique qui est là-dedans. Donc vraiment, c'est vraiment très très flou les contours. Qu'il y ait, vous parlez des exosquelettes, qu'il y ait à la mécatronique, on peut définir aussi cette discipline. Oui, donc la mécatronique, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui est beau en robotique, hein. Alors évidemment, Laurence va dire qu'il y a d'autres choses qui sont bien plus belles. Mais bon, moi, si j'aime les robots, c'est parce que c'est cet ensemble d'une mécanique, donc un objet, comme vous disiez, qui a une présence physique, qui est fait de, en général, de plastique, de métal, et qui bouge de façon synchronisée, de façon fluide. Et la mécatronique, c'est ça. C'est l'art d'allier la mécanique avec l'électronique pour générer du mouvement. Alors, je voudrais, on l'a évoqué en tout début d'émission, que les robots existent dans nos imaginaires depuis très longtemps. On trouve des traces quand de ces premiers robots en littérature? À partir de quand on imagine ces objets-là? Jean-Paul Lomond, un grand roboticien français, qui, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, il a parlé de Héphaïstos, le dieu forgeron boiteux, qui avait inventé à la fois des tables qui bougeaient elles-mêmes, mais même aussi des statues, des servantes en or qui étaient capables de rendre des services, de faire tout le travail. Donc ça fait vraiment très très longtemps que cette idée de construire mécaniquement l'équivalent de d'êtres humains ou d'objets bougeants et depuis très longtemps. On retrouve ça aussi dans les légendes du golem, on retrouve ça c'est vraiment depuis très très longtemps dans notre imaginaire, cette volonté. Alors voilà, comme ça a été évoqué, on est l'équivalent de Dieu parce qu'on va recréer une créature qui bouge, qui est autonome. Frankenstein, voilà, certains disent que Frankenstein c'est un bout de robot, un peu organique, on l'a recollé puis on a essayé de le commander. Donc c'est vraiment ancré depuis très très longtemps dans notre imaginaire. Pinocchio, par exemple, Pinocchio aussi, c'est une espèce de petit robot en bois, et où là, toute la difficulté est plus portée sur l'intelligence, la conscience. Donc ça, Laurence pourra peut-être nous en parler un peu plus. Mais vraiment, cette idée de fabriquer nous-mêmes des objets qui vont bouger pour nous rendre service, obéir au doigt et à l'œil, en appuyant sur un bouton, comme a dit le petit garçon, ça fait en effet très très longtemps que ça traîne dans la tête de l'humanité. Laurence de Villers, sur l'imaginaire robotique. Oui, alors ça remonte effectivement à l'Antiquité. Hein. Je citerai aussi en complément le mythe du sculpteur de Chypre qui crée le mythe de Pygmalion, voilà, qui crée en fait aussi une sculpture parfaite, hein, qui va représenter une femme. Alors on va beaucoup trouver ce fantasme, hein, de faire des femmes artificielles à travers dans ce domaine, ou qui est très masculin d'ailleurs. Hein. Le mythe de Frankenstein dont on vient de parler, donc c'est un roman qui est publié par Mary Shelley, donc là qui est une femme, qui s'appelle aussi Frankenstein ou le Prométhée moderne, hein, qui est publié en 1818, qui raconte comment on va donner vie à une créature et comment cette créature va finalement se retourner contre les humains. Et nous avons ceci dans notre imaginaire collectif, de la même façon que pour le golem, il y a aussi cette image d'un monstre créé qui au début est là pour aider les humains et plus particulièrement dans le quartier juif, la population qui était là, qui était en souffrance et qui à un moment donné va faire des actes qui sont non admissibles et dangereux. Et je crois que notre imaginaire collectif est très nourri de ces histoires, alors que par exemple au Japon, il y a des mythes aussi fondateurs qui montrent les robots comme des êtres artificiels, certes, mais bienveillants, qui viennent aider les humains pour construire un monde meilleur. Et donc, à travers les mangas, la science-fiction, les films au Japon, il y a cette mise en avant de héros artificiels venant nous aider. Donc, vous voyez, ça joue énormément, en fait, sur la façon dont on les appréhende ensuite dans la vie de tous les jours. Il y a un auteur qui a appréhendé ces robots, et impossible de ne pas parler de Isaac Asimov dans cette émission, maître de la science-fiction, qui a été un scientifique de formation. En quoi a-t-il été précurseur, Laurence de Villers? Alors, il était incroyable, effectivement, de relire tous les cycles sur les robots d'Isaac Asimov. Moi, je l'ai fait dans un premier livre qui s'appelle « Les robots et les hommes ». C'est fantastique de voir à quel point il était visionnaire. Donc, il a essayé non seulement de créer des environnements où ces robots allaient réagir, mais également à regarder comment ils vont réagir avec les humains et quelles sont les règles éthiques qu'il faudrait pouvoir mettre en œuvre pour que nous puissions collaborer, coopérer et tout simplement exister au même endroit. Donc les trois lois et la loi zéro d'Asimov, c'est les premières pistes en fait vers cette idée d'une machine éthique, d'une machine ayant une certaine morale. Si je vous les redis, la première loi, c'est qu'un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, sauf s'il y a une contradiction avec une autre loi, et notamment la loi qu'il appelle la loi zéro qui va naître après. La deuxième loi, c'est que le robot doit obéir aux ordres que lui donne un humain. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec les autres lois. Et cette loi zéro, hein, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par le fait de ne rien faire, qui permettrait d'exposer au danger l'humanité. Donc vous voyez, il prévoit cela, il l'explicite à travers différents contextes dans ses livres, et c'est réellement quelqu'un qui était extrêmement visionnaire. Rodolphe Gélin, on est quand même... Enfin, Isaac Asimov écrit les trois lois de la robotique en 1942, alors que les robots n'existent pas encore. Non, en effet. Ouais. Et ça, c'est pour les scientifiques, j'imagine, les chercheurs qui ont dû baigner et être nourri de science-fiction, ça a eu un impact, même par exemple pour vous? Oui, oui, bien sûr, on est tous inspirés. Bruno Maisonnier, qui est celui qui avait créé la société Aldébaran, les robots humanoïdes Nao et Pepper, était un grand fan de science-fiction et d'Asimov en particulier. Mais voilà, je dirais qu'Asimov, il nous a aussi tiré une belle balle dans le pied en disant « Attention, vos robots, ils sont super dangereux, ils vont prendre des décisions incroyables. » Et donc, voilà, je pense qu'il fait partie des gens qui sont presque encore plus dangereux que les autres parce que comme il est très intelligent, très cultivé, qu'il a beaucoup réfléchi, tout ce qu'il a dit a été pris très au sérieux. Alors qu'au fond, c'est pas un roboticien quand même, c'est un biologiste. Donc, je le taquine parce que c'est en effet formidable, il y a plein de choses à prendre et plein de choses à apprendre dans ce qu'il a écrit. Mais du coup, les gens ont ça en tête. Quand on arrive avec les robots, est-ce que vous avez implémenté les trois lois de la robotique? Non. Non, on peut pas. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Et voilà. Porter atteinte à l'être humain. Comment vous définissez? Comment vous portez atteinte à l'être humain? Alors évidemment, s'il s'agit de lui taper sur la tête, c'est facile. Et encore, vous pouvez taper sur la tête pour le réveiller, donc c'est vraiment très, très compliqué d'implémenter ça. Et Asimov nous a vraiment mis un challenge incroyable en nous mettant ces lois qu'on serait censé respecter. Le canard de Vaucanson était remarquable. Il était de grosseur naturelle et imitait si parfaitement l'animal vivant que tous les spectateurs subissaient l'illusion. Il exécutait, dit Brester, toutes les attitudes et tous les gestes de la vie. Mangeait et buvait avec avidité, accomplissait tous les mouvements de tête et de gosier qui sont le propre du canard et, comme lui, troublait vivement l'eau qu'il aspirait avec son bec. Il produisait aussi le cri nasillard de la bête avec une vérité complète de naturel. Dans la structure anatomique, l'artiste avait déployé la plus haute habileté. Chaque os du canard réel avait son correspondant dans l'automate. Et les ailes étaient anatomiquement exactes. Chaque cavité, apophyse ou courbure était strictement imitée. Et chaque os opérait son mouvement propre. Quand on jetait du grain devant lui, l'animal allongeait le cou pour le becqueter, l'avaler et le digérer. » Un extrait de la nouvelle d'Alan Edgar Poe, le joueur d'échecs de Malzell en 1836, qui décrit l'un des premiers automates de l'histoire, le fameux canard de l'ingénieur français Vaucausson. Alors, on peut pas encore parler de robot, on l'a dit, puisqu'il s'agit d'automates, mais tout de même, dès cette description de cet automate, il y a tout de suite l'idée, Rodolphe Gélin, d'une imitation anatomique parfaite. Ouais, oui, et c'est... Et c'est à la fois une inspiration et un leurre, parce que comme le dit Forges, comme c'était dit dans la pièce de théâtre de Capek, il y a plein de choses dans l'être humain qui sont pas indispensables peut-être aux fonctions qu'on veut voir effectuées par le robot. Alors bon, lui parlait plus à des questions plutôt émotionnelles, etc. Mais en effet, c'est pas toujours. Alors c'est ce qu'on appelle le biomorphisme. Quoi. On va s'inspirer de la vie humaine pour reproduire la fonction. Alors recopier tout exactement à l'identique, parfois c'est très très compliqué et c'est plus se faire plaisir d'un point de vue ingénierie ou artistique. Là, j'ai entendu qu'il le citait comme un artiste et c'est un bon point. Voilà. Après, il faut voir ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à imiter exactement l'animal? Bon, donc c'est un défi en soi. Un peu comme Ishiguro qui essaye de reproduire exactement un être humain. À quoi ça sert, on ne sait pas très bien, mais c'est un défi en soi, donc c'est très bien qu'on s'y intéresse. Et puis après, il y a la fonction qu'on veut voir remplir à son objet. Alors un canard qui mange du grain, qui digère, bon, voilà, c'est plus une performance, c'est un peu comme Ishiguro, c'est une performance technique, éventuellement artistique. En revanche, d'un point de vue d'ingénieur, ça n'a pas un très grand intérêt. Sur l'histoire de la digestion, il y avait des gens qui s'étaient plaints en disant « Non mais en fait, il ne digère pas vraiment le canard, il recrache autre chose qu'il avait bu avant. » Mais voilà, s'il y avait que, enfin, c'est voilà, quand on n'avait plus que ça à reprocher au canard de Vaucausson, ça prouve que c'était vraiment une mécanique incroyable. Et toute la robotique, alors aujourd'hui on la voit beaucoup avec l'intelligence artificielle, mais ce qui fait la spécificité du robot, c'est son existence physique, comme vous avez dit, et toute cette mécanique qu'il y a derrière pour faire des gestes, les gestes de Boston Dynamics sont incroyables. Bah derrière, il y a toute une science de la mécanique, aujourd'hui un peu galvaudée, parce que c'est quand même mieux de faire des sites web et de l'informatique que de la mécanique. Mais la mécanique, c'est vraiment une très très belle science, et Vaucausson, et puis toute l'horlogerie, tout ça, ça porte ce qu'aujourd'hui est la robotique. Il y a aussi l'idée de comprendre comment fonctionne le vivant et de reproduire ça dans une machine ? Absolument, ouais. Et ça, on l'a bien vu sur les robots marcheurs, sur les robots bipèdes. Et c'était pour une bonne partie, quand on a commencé à faire des robots humanoïdes à jambes, avec des jambes, c'était pour essayer de comprendre comment fonctionnait la marche. Et on s'est aperçu, enfin, bon, je pense que les gens le savaient, mais on s'aperçoit que si on essaye d'implémenter une marche qui est très simple en disant la marche, ça, il suffit d'être en équilibre à chaque fois qu'on bouge un pied, c'est pas vrai, ça fait une marche justement très robotique. Et c'est pas ce qu'on veut, nous on veut faire une marche humaine, et on s'aperçoit que la mécanique de la marche est très très très compliquée. Et en implémentant en effet, et c'est pareil pour l'IA, en voulant implémenter ce que l'homme fait naturellement, on s'aperçoit combien est complexe la mécanique humaine. Au début du XXe siècle, ou au milieu du XXe siècle, on commence à avoir des prémices de la robotique, hein, vraiment des premiers robots qui peuvent s'apparenter à des robots. Oui, oui, alors on discutait avec un de vos collègues de Shaki, qui était c'était un robot très simple, hein, c'était deux roues, c'est déjà ce qu'on appelle aujourd'hui un robot mobile, donc c'était deux roues avec un ordinateur, il était énorme. Aujourd'hui tout ça tient sur une carte de crédit, mais alors il avait justement, c'était un robot dédié à mettre en avant l'intelligence artificielle. Il planifiait ses actions, il disait je vais d'abord passer à tel endroit pour prendre tel objet, puis aller réaliser ma tâche, etc. Et alors là justement, on avait mis beaucoup d'intelligence dans ce robot, il était développé par le laboratoire d'intelligence artificielle. En revanche, la mécanique était un petit peu délestée, il s'en était un peu moins occupé, à tel point que ce robot, il s'appelait Shaki, parce qu'en anglais, ça veut dire la tremblote, quoi. Donc en fait, dès qu'il bougeait, il tremblait de partout, parce que c'était pas vraiment des mécaniciens qui s'en étaient occupés, mais plutôt des gens du logiciel. Voilà, et montrant bien, cet exemple, il est très bien, parce qu'il montre que bouger, c'est nécessaire, être intelligent, c'est nécessaire, et c'est le mélange des deux qui va faire le robot ultime. Shaki qui, je crois, a inspiré les créateurs de Wall-E, le film d'animation Pixar, qui ressemble beaucoup. Laurence de Villers. Oui, alors moi j'aurais tendance à être d'un avis un peu différent pour cela, parce que on peut pas dire que bouger suffit. Nous avons en fait montré, Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique américain, a apporté une vision nouvelle sur la manière dont les émotions se manifestent dans une intercorrélation avec le corps et le cerveau dans la perception des objets. Et c'est la même chose pour différentes attitudes que nous avons. Il y a dans notre mémorisation des choses, un côté rationnel, si on veut, et un côté émotionnel. Et le corps doit être pris en compte dans toute sa complexité. Or, dans ces machines, hein, même si elles bougent de façon mécatronique, on est vraiment sur la surface, sur un mouvement qui n'a pas toutes ses capacités. Quand on parle du canard de Vaucanson, c'est aussi une imitation extrêmement simplifiée. Et je pense qu'on devrait à chaque fois redonner l'idée de cette simplification. Parce que nous sommes en fait non pas des machines algorithmiques capables de reproduire des mouvements qu'on saurait reproduire, hein. On en est très très loin, on connaît même pas comment vraiment la cellule marche. On est à des années-lumière de savoir refaire ce qu'est un cerveau humain sur une machine, et il y a dans le corps lui-même des fonctions de mémorisation, de décision, qu'on n'a pas du tout appréhendées dans ces machines. Donc on cherche à faire du biomimétisme à un niveau extrêmement de surface, sans prendre en compte l'intériorité du corps qui est utile pour la perception, les décisions et les actions. Donc il y a là une grande différence. Sinon, Isaac Asimov, pour revenir à ce que vous disiez, Rodolphe, tout à l'heure, il écrit aussi qu'il faut garder la foi en notre vieux cerveau d'homme et que notre plus grande richesse, c'est notre génie créateur. Et c'est ça aussi sur lequel je voulais insister, c'est que ce canard automate, par exemple, il sait faire un certain nombre de choses, mais si vous êtes dans vous faites un mouvement qu'il n'a pas prévu, vous lui, le mettez dans une situation qui n'a pas été pré-câblée ou prévue au préalable, il ne saura pas réagir, il ne saura pas ingérer. Supposons qu'on lui donne quelque chose qu'il n'est pas capable d'ingérer, il ne pourra pas le recracher, ce que ferait un animal. Donc il n'y a pas, en cas de situation non prévue, de solution parce que la machine ne sait pas s'adapter de façon créative. French culture. Eureka. Natasha Renu. Я твой слуга. Я твой работник. Natasha Renu. Natasha Renu. Natasha Renu. Natasha Renu. Nous parlons des prémices de la robotique, Rodolphe Gélin. Ces prémices, ça démarre vraiment quand il y a une demande industrielle, c'est-à-dire dans les années 60? Alors, ça commence là. Bon, disons que un des moteurs positifs, comment on va dire, utilitaires, c'est en effet la demande industrielle. À la suite de la Ford T, de la façon de construire les objets de façon systématique, très organisée, le développement du premier robot, justement par Joseph Engelberger que je citais tout à l'heure, a été l'étape d'après dans la mécanisation et dans l'automatisation, dans la façon de reconfigurer facilement des tâches, parce qu'un robot, on peut le reprogrammer, même s'il exécute une tâche, comme disait Laurence, sans beaucoup d'imagination, il peut pas s'adapter à quelque chose qui se passe mal. En revanche, on peut le reprogrammer dans des robots de cette époque-là pour que un jour il va faire des Twingo, le lendemain il fera des Clio et tout ça sans qu'on ait besoin de changer la machine. À la différence des machines qu'on voit d'habitude dans les usines, une machine fait une pièce et puis c'est tout. Là, un même robot peut être reprogrammé pour fabriquer de nouveaux objets, et c'est ça qui a été la grande trouvaille et qui a fait que on appelle ce monsieur le père de la robotique, alors que bon, pour les roboticiens aujourd'hui, faire des robots dans les usines, c'est pas le côté prestigieux de la robotique, mais c'est quand même là que tout a commencé, et c'est là que se sont posés les premiers vrais problèmes de robotique, et notamment ceux sur la commande, comment on fait pour avoir des mouvements fluides, précis, rapides. Donc c'est là que ça a commencé. Mais en parallèle de ça, il y avait aussi ce que vous disiez tout à l'heure, des chercheurs qui travaillaient sur comprendre comment l'homme fonctionne. Donc il y a les deux qui sont arrivés. Il y a une partie, ça a été poussé par le côté utilitaire, on va fabriquer plus vite, mieux, moins cher. Et puis on va aussi continuer à comprendre, faire avancer la science. Donc il y a aussi une recherche fondamentale derrière la robotique. Et les deux ont poussé. Et on parlait de... Donc dans les années 50, c'est vrai que c'est là que... Mais dans les années 50, il y avait aussi, parmi les gens un peu rêveurs, il y avait les gens qui faisaient des tortues robotisées, qui étaient capables d'aller vers la lumière. Voilà. Bon, Et ça, les applications à cette époque-là n'étaient pas trop évoquées, quoi. C'était juste pour voir ce qu'on pouvait faire. C'était des tortues, en effet, qui se... des tortues qui, je crois, se repéraient, en effet. On parlait de perception environnementale, des tortues qui se repéraient avec la lumière. Voilà. Parce que, à l'époque, on est dans les années 50, il n'y a pas les caméras qu'on a aujourd'hui, qu'on peut facilement embarquer. Il n'y a pas le traitement d'image dont on pourra peut-être reparler qui fait qu'on comprend ce qu'on voit. Et donc, la seule chose qu'on était capable de percevoir dans l'environnement, s'il y avait une lumière allumée ou éteinte, avec des cellules, avec des diodes assez simples. Donc là, c'était très facile de dire, tiens, il y a de la lumière par là, je tourne jusqu'à optimiser la lumière que je vois. Si je tourne trop loin, la lumière va baisser, donc je reviens. Et après, je me rapproche de cette lumière. Et donc, on simulait là un animal qui se rapproche d'un point d'intérêt. Et seulement là, on avait adapté le point d'intérêt. C'était le seul truc qu'on était capable de détecter, qui était une source lumineuse. C'est avec le perfectionnement de l'informatique que tout bascule ? Oui. C'est avec l'IA. Avant d'arriver à l'IA, enfin, vraiment, même dans les années 75, hein, le perfectionnement de l'informatique, qu'est-ce que ça permet justement sur ces premiers robots industriels? Oui, alors, c'est vrai que alors, l'IA, ça dépend. Bon, Laurence a raison, l'IA, ça commence très tôt en fait. Hein, et quand on parlait de Chucky, en effet, c'était dans les années 60, fin des années 60, et donc c'était les prémices de l'IA aussi. Et en effet, cette capacité de prendre en compte l'environnement. Mais là où vous dites vrai, c'est que c'est le fait qu'on puisse miniaturiser tout ça, qu'on puisse l'embarquer sur un objet qui bouge. Voilà, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on peut faire une très grosse intelligence sur un très gros ordinateur, et puis avec le Wi-Fi, le Bluetooth, le robot lui-même, il a un tout petit cerveau éventuellement. À l'époque, tout ça n'existait pas. Donc, il fallait embarquer. Et tant que votre ordinateur, il pesait 2 tonnes, il y a quand même peu de chances que votre robot, il puisse vraiment être intelligent. Donc, c'est avec la miniaturisation de l'électronique, les débuts de l'informatique, qu'on a commencé à avoir des objets autonomes, dans le sens qu'ils étaient reliés à rien physiquement et qu'ils pouvaient prendre des décisions et agir. Donc en effet, on peut dire qu'on est passé de l'automate au robot avec le développement de l'électronique analogique puis l'informatique. Laurence de Villers ? Oui, on est passé en fait au déploiement de machines qui sont capables d'apprendre. Je pense que c'est là le grand saut, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des systèmes experts dans les années 90 et tout l'apprentissage machine, l'apprentissage à partir de données qui nous permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans les performances que ce qu'on savait faire avec des règles explicites, c'est-à-dire écrites à la main par des experts, eh bien débarque dans les années justement 90, 2000, 2010, on est au sommet Deep Learning, comment ça marchait, on voit c'est AlphaGo, c'est-à-dire en fait un système capable de battre un champion de jeu de Go, comme on l'avait vu aux échecs avant, et de plus en plus de tâches comme ça, qui étaient supposées être liées à de l'intelligence, hein, calculatoire en tout cas, qui étaient difficiles pour les humains. Alors c'est là où on a finalement cet engouement pour l'IA, qui était né dans les années 56, hein, par des chercheurs américains qui avaient une vingtaine d'années, et qui, lors d'un séminaire, décident de se demander s'il est possible de faire penser les machines. Mais c'est une métaphore d'ingénieur, hein. C'est-à-dire que on est très loin de cela, même encore maintenant, et même le mot intelligence est très galvaudé. Ce n'est pas absolument intelligent comme un humain. C'est autre chose. C'est une capacité calculatoire, une capacité dans un immense possible, ensemble de possibles, de trouver une solution qui dépasse notre capacité de mémoire et de projection cérébrale. La machine est plus douée que nous pour cela. Donc, chercher dans un grand ensemble. Et au niveau de la perception, elle a aussi quelque chose que nous n'avons pas. Nous sommes des animaux qui s'adaptons très vite, capables de justement d'apprendre à partir de très peu de choses. Et cette adaptation très rapide, la machine ne l'a pas. Elle n'est pas capable de faire cela. Il faut un apprentissage très lent à partir d'un grand nombre de données pour arriver à obtenir quelque chose. Et donc cette faculté est à la fois un défaut, c'est-à-dire que on peut passer à côté finalement d'un sujet parce qu'on a une intuition qui est fausse et on fait quelques erreurs. Il y a des biais cognitifs comme ça, très connus chez l'humain. Et en même temps, on ne perçoit pas dans une image tout. La machine perçoit tout au plus bas niveau. Nous avons des couches de connaissances qui font qu'on va chercher dans une image des visages connus, des objets connus, et qu'on ne descend pas plus bas, alors que la machine descend au pixel au plus bas. Pour l'écoute du son, c'est la même chose. Et en cela, elle va interpréter différemment de nous les images, le son, et être capable d'aller chercher des indices autour pour détecter des choses qui ne sont pas humains, des indices non humains. Et donc, elle a des capacités d'apprentissage et de modélisation non humaines qu'on devrait pouvoir comprendre et utiliser pour nous, pour aider, pour augmenter notre capacité de compréhension du monde et notre connaissance du monde. Alors, vous évoquez, hein, Laurence de Villers, c'est la perception. Je voulais précisément aller sur ce point parce que parmi les innovations, on peut parler des capteurs qui bouleversent justement la perception. Ouais. Alors, et puis bon, moi je voudrais que l'émission reste sur la robotique et pas sur l'intelligence artificielle. Le débat. Les deux sont liés. Les jeux de Go, c'est pas de la robotique. Mais bon, c'est le vrai. Le jeu de Go, en effet, on n'est pas dans une existence physique. Là, c'est normal que Laurence et moi n'ayons pas là. Nous sommes pas tout à fait dans la même chapelle. Mais voilà, parmi les robots les plus spectaculaires du moment, il y a les robots Boston Dynamics, dans lesquels il y a, à ma connaissance, pas d'intelligence artificielle du tout. Et pourtant, c'est la quintessence de ce qu'on peut faire en robotique. Alors évidemment, quand on peut marier les deux, ça sera encore mieux. Mais voilà, il faut bien prendre en compte que le développement de la robotique ne dépend pas que du développement de l'IA. Les deux ont besoin l'un de l'autre. À mon avis, une IA qui ne fait que tourner dans un ordinateur, ça n'a aucun intérêt. Je grossis le trait, hein, pour énerver Laurence. Mais un robot qui n'a pas d'IA, c'est vrai qu'il n'ira jamais très loin. Il ne rendra pas de grands services. Il ne sera pas apprécié par les humains. Donc c'est vrai que les deux ont besoin l'un de l'autre. Mais cette mécanique, le travail sur la mécanique, la commande, la fluidité des mouvements, c'est ça qui fait la beauté de la robotique. Et comme disait, et Laurence le sait aussi, parce que même dans tout ce sur quoi elle travaille sur l'émotivité, si les gestes d'un robot sont pas proches de ceux d'un humain, on va être mal à l'aise aussi vis-à-vis de ça. Et donc le mouvement lui-même, il transmet de l'émotion. Mais par rapport justement au mouvement des robots, je reviens sur cette idée de capteur en tant qu'innovation quand même très importante sur le moment où on passe sur des capteurs extéroceptif. Absolument, ouais. Donc c'est vrai que pour prendre des décisions, le robot, il doit aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Alors, évidemment, les premiers robots, les robots qui sont dans les usines, ils ont déjà des capteurs, mais ils ont des capteurs pour savoir où est leur propre position. Si on demande au robot d'attraper un objet qui est à telle position, il faut qu'il connaisse la position de chacune de ses articulations. Et pour ça, il a des capteurs internes, qu'on appelle les capteurs proprioceptifs, comme on a dans notre corps humain à nous. C'est-à-dire, le robot sait où il est. En revanche, il sait la forme de son corps. En revanche, il sait pas s'il est à côté d'une bouteille. Il travaille les yeux fermés, en fait. Avec les capteurs extéroceptifs, on va lui ouvrir les yeux, on va lui ouvrir les oreilles et il va découvrir le monde. Et il va s'apercevoir que le geste qu'il faisait de façon complètement répétitive, parfaite, il est toujours juste à côté de la bouteille. Et donc, on va dire, c'est pas ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut... Alors, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait la bouteille là où le robot mettait son bras, pour grossir le trait. Et puis, petit à petit, on va lui dire, maintenant, t'as vu où est la bouteille, donc corrige toi-même ton geste pour attraper la bouteille. Donc, en effet, le fait qu'on ait maintenant des capteurs de vision qui soient pas chers, qui soient robustes, et puis toute l'informatique de traitement d'image qui permet de détecter où est la bouteille, et là on retrouve ce que disait Laurent, cette partie computer vision, donc vision par ordinateur qui utilise du deep learning, tout ça va en effet démultiplier la puissance et les applications possibles de nos robots. Et Boston Dynamics. vous ne la connaissez pas celle-ci, Les robots de Jacques Higelin, à 16h39 sur France Culture pour l'émission Eureka, car nous parlons de l'invention des premiers robots avec nos deux invités du jour, Rodolphe Gélin, expert en robotique et en intelligence artificielle, et Laurence De Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS. Alors nous venons de parler de l'évolution des robots dans un contexte industriel. Est-ce que avec les robots, les premiers robots humanoïdes comme ceux d'Asimo avec Honda, c'est une révolution, Laurence De Villers? Alors oui, d'une certaine manière, c'était une révolution, mais à l'heure actuelle, c'est plus Boston Dynamics pour moi ou des robots plus humanisés en fait, qui sont les réelles avancées. Hein. Si je regarde les chercheurs, le plus à la pointe, il y a des personnes qui cherchent à mettre, par exemple, des émotions dans ces machines, à créer une espèce d'intériorité dans les machines qui ferait qu'elles auraient une simulation de ce que c'est que le plaisir et la douleur pour pouvoir avoir des intentions. Vous voyez, on va jusque là. Et si on continue à regarder ce que fait la robotique, donc elle va de plus en plus vers le champ du langage. Hein, on a vu émerger énormément de progrès avec différentes technologies récemment sur le traitement automatique de la langue, c'est-à-dire les Siri, Google Home et tous ces objets là qui sont pas robotiques, effectivement, comme dira Rodolphe, mais qu'on cherche à mettre dans les robots, c'est-à-dire qu'on ferait des robots capables de mouvements et sans doute de tâches assez plus complexes, mais en même temps capables de coopérer avec des humains en leur parlant. Et donc, ce sont des avancées importantes. L'assistance aux personnes âgées, l'assistance pour des enfants qui seraient autistes et qui auraient besoin d'un soutien dans certaines circonstances, ce sont des objectifs aussi de la robotique et qui sont extrêmement importants à comprendre. Pour l'instant, on ne sait pas produire en tout cas des robots très intelligents, même intelligents tout court. On les produit par contre de façon spécialisée sur certaines tâches et cela peut être extrêmement profitable à la société si on sait le faire de façon sont vérifiés, évalués, régulés, avec une conscience que cette machine n'a pas de droit. Hein, elle est un objet construit par des humains. Alors pour revenir sur ces premiers robots humanoïdes comme Asimo, en tout cas ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on voit la bipédie, la marche bipédie. Et ça, c'est aussi une prouesse technologique, Rodolphe Gélin. Oui, c'est avant tout une prouesse technologique, parce que les usages, moi qui ai fait des projets de robots sur bipèdes, j'ai plein d'arguments pour dire pourquoi c'est super intéressant et super utile. Mais de fait, il y a déjà plein de tâches qu'on peut faire sans avoir la bipédie. Donc, c'est vraiment une performance technologique, c'est une démonstration de savoir-faire. Et c'est très bien qu'il y ait des entreprises qui investissent là-dessus parce que ça fait avancer des tas de choses sur la compréhension de la dynamique du mouvement. Et voilà. Et donc, sur la marche, Asimo, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Asimo, d'un point de vue purement robotique, il est un peu enfoncé par Boston Dynamics qui fait des sauts périlleux, alors que Asimo, Asimo, je ne sais pas si les auditeurs voient ce que c'était, il ressemblait à un petit cosmonaute, il est très mignon, et il est tout en blanc, on dirait vraiment, il a un casque avec une grosse visière, il est beaucoup moins effrayant que Atlas là, de Boston Dynamics, mais il fait quand même un petit peu aussi science-fiction, et on était tous extrêmement impressionnés le jour où Asimo, qui marchait jusque-là, s'est mis à courir. Et alors il courait, il avait une petite démarche, une toute petite foulée, et pour courir, le critère, c'est qu'on décolle à un moment, les deux pieds soient décollés du sol, et donc on voyait des ralentis pris de profil des pieds d'Asimo, et on voyait que le pied, en effet, à un moment, les deux pieds étaient à 2 mm du sol, et donc toute la communauté robotique était comme des fou, dire ça y est, ils ont réussi à courir et tout. Bon, et aujourd'hui, évidemment, on fait beaucoup mieux, mais voilà, ça a été, on a vu, au travers de la marche, moi je trouve, cette évolution des performances de la robotique. Et la prochaine étape, c'est la manipulation. Mais alors, quel est le secret de dextérité de ces robots, même ceux de Boston Dynamics? Alors là, c'est l'intégration d'un point de vue mécanique. Ce qui est très compliqué en robotique, c'est de faire un compromis entre la puissance dont vous avez besoin et le poids que vous allez devoir transporter. Je me souviens quand on fabriquait notre robot Roméo chez Aldébaran, on disait, alors il faut, voilà, pour dimensionner les moteurs, il faut savoir combien le robot va peser. Et donc, au début, on n'en sait pas grand-chose. Donc, on dit ça serait bien qu'il pèse 40 kilos. Et donc, on calcule tous les moteurs, notamment des jambes, pour qu'ils puissent porter 40 kilos. Mais une fois qu'on a mis tous ces moteurs, ils sont trop lourds, donc ça pèse 50 kilos. Donc, on va mettre des moteurs plus gros, et puis du coup, etc. Donc, vous voyez, la difficulté, elle est là, c'est de trouver ce bon compromis entre la puissance. Il faut aussi que non seulement le robot soit fort, mais qu'il soit puissant, qu'il soit rapide, pour avoir des gestes, une réactivité assez importante. Nous, notre robot, il était très sympa, il finissait par se porter. En revanche, si vous le bousculiez un peu, il allait pas assez vite pour se rattraper. Donc, il a fallu aussi travailler sur la dynamique du robot et pas seulement sur sa puissance. Et on voit aussi d'ailleurs aujourd'hui les robots de Boston Dynamics qui encaissent les coups et qui ne tombent pas. Non, on savait le faire aussi, mais c'est vrai qu'ils ont poussé ça à un niveau vraiment super spectaculaire. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Le poème de l'androïde Roy Batty dans Blade Runner de Ridley Scott. Nous venons de parler de la dextérité, de l'apprentissage de la marche des robots. Laurence de Villers, on voit apparaître les premiers robots émotionnels. Oui. On voit apparaître quelques idées autour de ces robots émotionnels, qui ne sont pas émotionnels, faut le voir avec des guillemets. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de robots émotionnels? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie, en fait, c'est lié à une discipline qui s'appelle l'informatique affective, qui est née en 97 dans les laboratoires du MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, donc à Boston, aux États-Unis, et qui vise à trois technologies: détecter les émotions des humains, dans certaines émotions un peu extrêmes, parce que c'est l'expressivité qui va être détectée et pas l'émotion qui est cachée. Et puis, prendre en compte ces informations pour changer la façon dont on interagit avec la machine, par exemple adapter le dialogue, et enfin, générer des réponses qui soient affectives, donc à la fois dans le texte, et puis peut-être dans la synthèse et dans la mimique. Donc on va chercher des informations multimodales, dans le son, dans le visage, les gestes de la personne, sa posture, etc., pour essayer de trouver dans quel état elle est. Et puis le robot, comme ça, peut s'adapter mieux à l'intention de la personne. Vous voulez dire que les robots qui cherchent à imiter l'empathie? Alors, les robots qui cherchent à imiter l'empathie, effectivement, ils cherchent à se mettre à s'aligner, si vous voulez, sur la personne. S'ils repèrent que la personne est dépressive, imaginons, eh bien, ils pourraient dire: ah là là, je suis triste pour toi, et essayer de l'aider. Donc, ce sont des sujets qui sont complexes, parce que l'utiliser pour vous manipuler les personnes, c'est assez facile. Donc, il faut qu'on ait conscience que ce sont des objets, en fait. La parole, lorsqu'elle est donnée à un robot, lorsque le robot va parler, c'est pas une parole humaine. C'est une parole donnée par une machine qui comprend pas ce qu'elle dit et qui n'est en rien responsable de ce qu'elle dit. Et je crois que nous avons besoin de former et d'éduquer sur ces sujets-là, parce que la responsabilité n'est pas dans la machine, elle est liée en fait à la construction de cette machine. C'est peut-être aussi une co-responsabilité si la machine peut s'adapter à la personne. Donc vous voyez, on a encore à travailler sur ces sujets pour parler de mettre demain des robots émotionnels dans la boucle pour des personnes âgées, pour différents sujets. Mais on sent qu'il y a une capacité d'assistance intéressante et de compréhension en fait du dialogue. Pour vous donner un tout petit exemple, avant de travailler sur les émotions sur les robots, j'ai travaillé dans des centres d'appel. Eh bien, lorsque la machine recevait le message de quelqu'un, il disait: ouais, elle marche pas cette machine, la machine disait: veuillez répéter votre question. Et si je suis capable de comprendre que dans le ton de la voix la personne est en colère, je vais réagir différemment. Donc, à travers un robot incarné devant la personne, on peut imaginer aussi cette adaptation au dialogue plus intéressante si on sait capturer justement les inflexions dans la voix ou le comportement de la personne. Mais c'est très difficile à faire. Oui, pourtant on voit hein, des robots comme le robot Nao, le robot Pepper ou encore Sophia, la gynoïde saoudienne, qui sont des robots qui prennent des formes anthropomorphes. Pourquoi on va souvent sur des formes, pourquoi une telle ressemblance avec l'humain, Rodolphe Gélin ? On dit que c'est pour simplifier l'interaction en machine. Vous n'allez pas spontanément discuter et interagir à un haut niveau de sémantique avec une boîte de conserve. Alors, on l'a vu dans la guerre des étoiles, j'aime bien citer ça où on voit les deux robots, là, le R2-D2 qui est une boîte de conserve et puis 6PO qui est plus un humanoïde. Spontanément, on va plus parler à un robot qui a des yeux, qui a une tête et on va le sentir plus proche que d'une simple boîte de conserve comme était Shaki, où là on va se trouver un peu bête de parler à quelque chose qui n'a pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de réactivité. Mais tout ça change. Ça va changer. On parle à sa voiture, on parle à son téléphone, on parle à ses enceintes connectées. Donc ça va peut-être se tasser. Mais pour un début, pour des raisons d'acceptabilité, bah c'était pas mal de donner cette forme humaine. Et puis cette forme humaine aussi, on le disait, pour s'intégrer dans notre environnement, bah c'est bien d'avoir des mains pour ouvrir des poignées de porte, c'est bien d'avoir des jambes pour monter une marche, et puis c'est bien d'avoir des yeux pour qu'on sache où parler et des oreilles pour savoir où parler quand on s'adresse à la machine. Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor ? Oui. Je deviens folle ! Tu l'as tué, comment peut-il se relever ? Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça, ça n'existe pas. C'est vrai, pas avant 40 ans. Une apparence humaine. Mais un corps d'acier. Il n'est programmé que pour tuer. Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. France Culture, Eureka, Natacha Triou. Laurence de Villers, alors vous, quand vous avez une plateforme robotique, vous cherchez à lui transmettre des comportements langagiers. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser comment vous travaillez, qu'est-ce que vous développez ? En fait, on développe des logiciels grâce à de l'apprentissage machine qui sont capables, par exemple, de passer du signal acoustique, donc quand je parle, qui est enregistré par un micro, capable de passer de ce signal enregistré à l'étiquette de d'abord à la reconnaissance de la parole, donc ce qui est dit et comment cela est dit. Donc avec l'idée qu'on a préalablement construit des modèles sur le son de la voix, sur le timbre de la voix, pour dire là il est plutôt en colère ou il serait plutôt content, etc. Donc ces modèles ensuite, ils sont utilisés pour décrypter, lorsque je parle à la machine, les comportements qui sont adoptés par la personne, les comportements émotionnels. Puis ils nourrissent un système de dialogue qui va répondre et changer la façon de répondre en fonction de ce qui a été détecté avant. Voilà. Donc on a ces systèmes de dialogue adaptés avec des capacités affectives qu'on utilise dans différents cadres. Donc on fait des tests auprès de personnes âgées dans des EHPAD, à l'hôpital Broca. On a fait des tests comme cela pour voir quelle était l'utilité, comment les gens pouvaient accepter ces systèmes et la robustesse qui était nécessaire. On travaille aussi dans des jeux éducatifs pour les enfants. Donc, il y a énormément de domaines pour lesquels ces systèmes peuvent être utiles. Maintenant, il faut prendre un certain nombre de précautions et je travaille beaucoup sur ces sujets d'éthique, de normalisation. Je suis copilote à l'heure actuelle d'un groupe à l'AFNOR, donc les normes françaises, autour de ces systèmes qui sont capables de nous répondre pour nous inciter à faire des choses, donc sur le langage. C'est depuis le développement de l'intelligence artificielle en robotique qu'on se pose justement toutes ces questions éthiques et sociétales. Oui, la plateforme robotique est extrêmement intéressante parce qu'elle est complexe. C'est-à-dire qu'on embarque sur la même plateforme des capacités langagières, des capacités de bouger, d'actionner les bras, les jambes. Quand tout à l'heure vous parliez de la marche avec Rodolphe Gélin, on marche avec sa tête. On marche avec la vision des choses autour de nous. Vous voyez, donc c'est cette complémentarité des sens et qu'on comprend mieux, c'est-à-dire que les actions doivent mettre en œuvre un ensemble de ces différentes perceptions dans les décisions, par exemple. Et donc, cette capacité de mettre ensemble des modules d'IA est extrêmement intéressante. Pour l'instant, on ne sait pas bien faire, hein. Donc il faut revenir à des choses, comment dire, à des capacités état de l'art de ces systèmes. On projette dessus, on surcapacite, si vous voulez, tous ces systèmes à cause des films qui nous donnent l'impression que tout est réalisé. Mais on en est très loin. Si Boston Dynamics sait faire des loopings à ces systèmes, c'est hors sol, c'est-à-dire que le système n'a pas conscience de l'environnement, et si jamais il y a un grain de sable dans tout ça, il va se casser la figure, et voilà. Hein. Donc, enfin, il y a certains grains de sable qui sont prévus. Mais pour l'instant, nous en sommes encore assez loin, si vous voulez, sur les capacités. Là où c'est le plus avancé, pour moi, c'est sur le langage. Ce qu'on voit dans Siri et Google Home, qui serait embarqué dans des machines. Et encore, on a besoin, entre ces disciplines de robotique et de traitement automatique de la langue, de travailler ensemble pour comprendre que là, c'est des systèmes qui sont incarnés dans notre monde et qui donc ont des perceptions d'un environnement contextuel. Et ça donne encore des difficultés à la compréhension dans le langage. On comprend pas le sens commun. Ces systèmes sont perdus quand lorsqu'on les met, un robot, dans un environnement avec quelqu'un qui dit « prends ça là et fais ci », waouh, comment il fait pour comprendre ce que l'humain essaie de dire ? Rodolphe Gélin, sur ces prémices de dialogue humain-machine, comment vous percevez ça, vous ? En effet, à partir du moment où on commence à parler à un robot, nous on le voyait très bien avec les robots Pepper et Nao, les gens se lâchent, ils disent « ça y est, on peut lui parler, donc il est super intelligent, donc on peut lui parler de tout, et donc on lui dit… voilà. » Et il fallait que nous, à chaque fois, on explique « attention, nous on lui a dit, on lui a appris à répondre bonjour, et donner la météo, éventuellement donner des conseils sur le vin, mais sorti de ça… » Il comprend rien et il peut pas vous parler, quoi. Et donc, et c'est un peu un point que je voyais apparaître dans tout ce que disait Laurence. Ce qui est très difficile, c'est de spécifier ce que va faire un robot. En fait, déterminer, quand vous discutez avec quelqu'un qui dit, moi, je vois un robot dans mon magasin, eh ben, décrivez-moi ce que vous voulez qu'il fasse. Et ben, ça, c'est très compliqué parce qu'on dit, ben, on voudrait qu'il fasse comme un être humain, quoi, comme mon vendeur. Ben, expliquez-moi tout ce que fait votre vendeur. Voilà, c'est simple, quoi. Voilà. Et ça, c'est un des problèmes de l'intelligence artificielle, d'une manière générale, c'est de spécifier à une intelligence artificielle ce qu'elle est qu'elle doit savoir faire. Et en général, il faut lui montrer par des exemples. Et on n'a pas, souvent, tous les exemples. Et comme dit Laurence, il manque le sens commun. Un jeune conducteur, vous n'allez pas lui dire, il faut pas écraser un enfant avec un pull rouge, il faut pas écraser un enfant avec un pull bleu. Vous allez lui dire, il faut pas écraser les gens du tout. Et puis après, il s'adaptera. Et s'il va, il voit un Jean qu'il a jamais vu avant, un genre de gens, il va s'adapter. L'intelligence artificielle, elle va pas faire ça. Et donc, avec le langage, on est devant une explosion combinatoire de tout ce qu'il faut traiter qui est incroyable. Et à mon avis, ça fait partie en effet des situations, des contextes qui sont les plus difficiles à traiter parce que l'homme, quand il parle à la machine, il est sans pitié, quoi. Il lui demande tout et n'importe quoi. Et d'être capable pour le robot de dire mais là, je comprends pas, je suis pas formé à répondre ça. C'est très difficile. Détecter, en fait, l'inconnu pour une intelligence artificielle, c'est très, très difficile. Ouais, merci à vous deux, pour cette histoire de la jeunesse de la robotique. Pour notre générique de fin, on se quitte sur ce fameux twist et la chorégraphie des robots de Boston Dynamics, une chorégraphie qui a nécessité 1 an et demi de programmation pour 3 minutes de danse sur le tube de The Contours, Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Merci à toute l'équipe de Reka, Anne Toscan-Vudès, Éléonore Pérez, Mariam Ibrahim, Antonin Amberger, Nicolas Berger à la réalisation et Jordan Fuentes à la technique. Eureka continue tout l'été. La semaine prochaine, c'est ce cher camarade Antoine Beauchon qui reprend la barre. Avec au programme lundi, l'invention du phonographe. Mardi, la découverte de l'inconscient. Mercredi, la découverte de la gravité. Jeudi, l'invention du microscope. Et vendredi, la découverte de la pierre de Rosette. Tous les jours à 16h. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer.